nous nous sommes disparus comme un marin qui prend les nues pour l'océan et qui s'enfonce au fond de l'eau, l'amour emporté par les flots du temps. Nous aurions pu nous unir mieux, comme on dit s'unir devant Dieu. La mascarade, non, moi ne m'a jamais tenté, mais que la sincère amitié des camarades. Au diable les rêveurs qui, ne tenant pas debout ce lit, des bagues aux doigts. Et si la mienne était poème, et si la mienne était en bois, elle était pour toi, elle était pour toi. Puisqu'ici tout s'évanouit, nos rires dans la mélancolie, tout prend le large. Et ne gardons que l'instant avant que les mauvais printemps ne sonnent la charge. Là où tu t'échoueras bientôt, là où on s'est échoué trop, où il fait froid. Tu verras bien des éclaircies, tu les prendras pour l'infini, qui fera gonfler ton ventre. Au diable les rêveurs qui, ne tenant pas debout, se passent la mort au doigt. Pauvres de leur cupidité, sont ceux qui s'échinent à garder l'autre pour soi. Au diable les rêveurs qui, ne tenant pas debout ce lit, les cœurs en croix. Au diable leur stupidité, car même à deux nous ne sommes faits, ouais, que de soi, sûr que de soi. Où tu es d'autres pays, dans d'autres hommes, dans d'autres lits, prends garde au vent qui parfois fait gonfler les voiles et qui soudain, quand ça lui prend, s'enrhume un peu pour nous laisser seuls au milieu. Quand pour rentrer ne reste que l'océan à la nage, quand le voilier devient un radeau, quand le manque devient le trop, quand la vie a fait rage. Mon amour, j'ai pas su tenir les promesses du devenir. Un avec toi. J'ai plus que moi-même à qui dire qu'il est triste mon triste empire, qu'il est triste sans toi. Quel océan vers quel abîme, dis-moi où mène ce chemin où tu n'es pas. Si l'on ne meurt pas d'amour, je peux te dire qu'il est certain qu'on meurt de toi, qu'on meurt de toi.